Il y a toujours la question, il y a toujours plein de questions à discuter, puis je sais que, en tout cas, il y a toujours des gens qui parlent un peu partout, mais Inch'Allah, avec la nasiha, c'est là qu'on peut régler nos problèmes, tu vois, parce que nous les musulmans, surtout les salafis, c'est ça notre manhaj, c'est de donner la nasiha. Et le problème, c'est que souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils parlent dans le dos et ils vont pas voir la personne pour lui donner la nasiha quand il y a des problèmes. Et ils répandent des rumeurs sur quelqu'un, tu vois. Alors que ça doit être le contraire. Quand il y a quelque chose, ils doivent aller lui voir puis lui dire. Je lisais dans le Kitab al-Tawhid, parce que je fais le Kitab al-Tawhid sur Paltalk le samedi et le dimanche. Puis dans le Kitab al-Tawhid, il y a un hadith qui mentionne parmi des choses qui font partie du sihr. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné Al-Adhu. Et il a dit ça fait partie de sihr. Et le sharh de qu'est-ce que c'est Al-Adhu, il a dit c'est Al-Qalatu Bayna Nas. Oui, c'est ça. Et aussi, en fait, le cheikh, il dit, c'est An-Namima, en fait. Et il a expliqué pourquoi il l'a mis dans Kitab al-Sihr, au Bab al-Sihr. C'est parce que ça agit comme la magie. Tu vois rien devant toi. Mais ça a un effet. Un, il parle à un. L'autre, il parle à l'autre. L'autre, il parle à l'autre. Tu vois les répercussions. Tu vois les gens qui agissent d'une façon bizarre. Mais tu sais pas d'où ça vient, ça. Et tu sais pas c'est qui fait ça. Et c'est quoi qui fait ça. Alors là, tu te dis, mais comment ça se fait donc? Les gens, ils commencent à agir bizarre, ils commencent à faire des choses bizarres. Puis, en réalité, c'est parce que il y a ce sihr-là qui commence à travailler. Puis des fois, et ça c'est quelque chose que je me suis dit souvent, les koufars et les ennemis de l'islam, de l'extérieur. Et il y a des munafiqines de l'intérieur qui travaille pour diviser les musulmans, puis affaiblir la da'wah, mais pas de l'extérieur, de l'intérieur. Et ils utilisent ces genres de méthodes, tu vois. Ils vont pas t'attaquer directement, ils vont pas te dire directement, ah non, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais, ou tout. Mais ils vont commencer à semer des dissensions, des opinions, des idées, des critiques, mais des critiques subtiles, tu sais, ou bien juste des points de vue, ah non, je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça, mais pas basé sur Coran, pas basé sur Sunna, c'est juste opinion personnelle. Et puis ils propagent ça parmi les gens. Et puis ils donnent pas la nasiha à la personne, ils viennent pas le voir pour lui dire c'est quoi le problème, rien, c'est juste essayer de mettre les gens de son côté ou dans cette opinion là ou dans cette opinion. Et ça c'est pas correct. Yani, c'est pour ça juste dire ça en passant, tu vois. Ça c'est une nasiha. Non mais je pense que c'est le but de la nasiha, c'est de nous inciter à donner la nasiha. C'est ça le but. Puis de dire les choses. Quand il y a un problème, allez voir la personne en question, dites-lui les choses. Parce que à Dar al-Arqam, c'est ça qui est arrivé. Les gens, ils donnaient toujours ils vont toujours se plaindre de quelque chose, dire quelque chose, des critiques. Mais pas jamais à moi. Toujours à d'autres, aux responsables. Parce que le but, c'était pas de venir, par exemple, me voir pour me demander de corriger ou parce qu'il y a une erreur. C'est parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas certaines choses, qui n'aiment pas certains discours, qui n'aiment pas entendre certains aspects de la vérité. Et ils veulent mettre de la pression, pas sur moi, mais sur ceux qui sont responsables de la mosquée, pour que celui qui est responsable de la mosquée me mette dehors. Alors ils utilisent cette méthode. Et c'est pas honnête. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis, c'est une méthode subtile des gens de Hezbollah ou d'autres pour justement essayer de raffaiblir la da'wah, mettre la crainte dans le cœur des gens, mettre la crainte dans le cœur des salafis. C'est ça. Aïna, yarhamkallah. C'est ça. Exactement, parce que si quelqu'un, il met la crainte dans le cœur des musulmans et dans le cœur des salafis. Ah, oh, faites attention, ça c'est dangereux, ça il va faire ça, ça va faire ça, il va arriver ça. Les koufars ils vont vous faire ça, les gens de bid'a ils vont vous faire ça, les gens de bid'a. Toi, après tu commences à avoir de la peur, tu commences à avoir de la crainte, et comment Allah il les a appelés les gens qui font ça dans le Coran, il les a appelés al-murjifoun. Les gens qui veulent faire peur aux croyants, hein. Et c'est une caractéristique des munafiqines aussi. Donc, c'est pas pour viser quelqu'un ou quelque chose ou quoi. C'est juste pour, yarhamukallah. Donc, c'est juste pour qu'on reconnaisse les signes. Parce que c'est pas écrit dans le front de quelqu'un munafiq. Hein. Donc, c'est Allah qui le sait. Mais c'est pour dire, Allah il nous a décrit comment ils agissent. Et si on ne fait pas attention à ces méthodes-là, on risque de se faire avoir. Et on s'est fait avoir déjà plusieurs fois, et puis il ne faut pas qu'on continue à se faire avoir à chaque fois. Donc, Inch'Allah, on va commencer notre dars. Naam. In alhamdulillah. Oui, je l'ai. J'ai enregistré cette petite nasiha, je vais la mettre, c'est vrai. Je vais la mettre sur le site, mais à part, comme nasiha. Je vais peut-être faire une section dans le site, que ça va s'appeler Petite Nasiha, de côté. Oh là là, subhanallah, j'ai trop ri, hein, je me suis blessé. Tayyib, inshallah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم. Donc on est aujourd'hui dans le cours 18 dans l'explication de l'usul al-thalatha avec le charh du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et comme j'ai commencé le charh de Cheikh Zayd Al-Madkhali à l'autre mosquée, j'étais en train de le lire l'autre, puis je comparais les deux, puis Allahu Akbar, le charh de Cheikh Al-Fawzan, il est vraiment bon, mais on voit que chaque Cheikh, quand il fait un charh de Al-Usul al-Thalatha, il met toujours son petit point ou sa petite explication, sa petite touche à lui. Oui. Et chacun, il a mis quelque chose de particulier dans sa façon d'expliquer Al-Usul al-Thalatha. Et une des choses que j'ai remarqué avec le charh de Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah, c'est qu'il a vraiment insisté sur le manhaj. Vraiment insisté sur question de manhaj. Donc ça, c'est une particularité. Et un autre cheikh que j'ai trouvé qui a fait ça, c'est Cheikh Ubayd al-Jabiri. Lui aussi, dans son charh de Al-Usul al-Thalatha, il a insisté également sur les questions de manhaj. Donc ça va probablement être le prochain charh de Al-Usul al-Thalatha qu'on va faire. Je ne sais pas avec qui je vais le faire. Dans le sens, si je vais le faire sur Paltalk, ou bien si je vais le faire sur ici avec les frères encore une fois, ou bien si je vais le faire avec et des frères ailleurs. Peut-être je vais le faire en Allahu a'lam. C'est juste pour dire que chacun il a sa spécifique, son point spécifique. C'est pour ça que il y a des gens qui disent, par exemple, tu l'as fait plusieurs fois déjà, tu as fait différents shuyukh, chaque fois tu fais un charh différent, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est suffisant, tu vois? En fait, quand on regarde chacun, comment il a fait le charh, on voit que chacun il a des petites choses qui distinguent de l'autre. Donc il y a toujours un point, un bienfait. Et le charh de Al-Usul al-Thalatha, même si les gens, ils parfois prennent ce livre-là à la légère, ils ne réalisent pas qu'est-ce qu'il y a dedans, comme Manafi' et comme, comme on dit, Fawa'id. Il y en a des Fawa'id que tu ne vas pas trouver dans aucun autre livre, même des livres très très avancés qui rentrent dans les détails. C'est incroyable. Donc c'est vraiment un livre de base. Hein? Et donc là on continue dans cette partie là, c'est le début de Al-Usul al-Thalatha, la quatrième partie dans le livre par rapport à l'introduction. Puis là on avait lu la dernière fois wa kullu ma siwa Allahi alam wa ana wahidun min dhalika al-alam. Donc on a expliqué la question de wahdatul wujud, puis la différence entre le créateur et la créature, on a parlé de ça. Donc on était en train d'expliquer la parole du cheikh qui explique ça. Quand le cheikh il explique, il dit fa qawluhu wa kullu ma siwa Allahi alam wa ana wahidun min dhalika al-alam fa yakunu Allahu rabbi لأن الله رب العالمين وأنا واحد من العالمين فلا أحد يستطيع أن يقول أنا لي رب غير رب العالمين لا الكافر ولا المسلم وهذا لا يمكن أبدا ولا يقوله عاقل وهذا دليل على ربوبية الله عز وجل وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة وهذا يبطل عبادة غيره سبحانه وتعالى ولذلك قال بعد هذا إياك نعبد وإياك نستعين. D'accord. Donc le cheikh il explique donc que tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le monde, c'est la création, et moi je suis un d'entre ces mondes. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est mon Rabb, c'est mon Seigneur, c'est le Seigneur des mondes, hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des mondes et moi je suis un d'entre ceux qui composent ces mondes, qui est un des éléments qui composent ce monde. Et personne ne peut dire moi j'ai un Seigneur autre que le Seigneur des mondes. Personne ne peut dire ça, hein? يهديكم الله يرحمك الله. Je l'ai entendu. Donc il dit personne ne peut dire moi j'ai un autre Dieu que le Seigneur des mondes, ni le kafir ni le musulman. C'est à dire même le chrétien ne peut pas dire ça, le juif il ne peut pas dire ça, le bouddhiste il ne peut pas dire ça, l'hindou il ne peut pas dire ça, même s'il essaie de, il pourrait dire bon j'ai une statue, j'ai un Dieu que j'adore. Mais il ne peut pas dire que cette statue-là, c'est le Seigneur des mondes. Il ne peut pas dire que cette statue, c'est elle qui a créé les cieux et la terre. Hein? Et même à l'époque du prophète, les mushrikoun, qui adoraient les idoles, ils ne disaient pas que ces idoles ont créé les cieux et la terre. Hein? Ils ne les adoraient pas pour ça. Ils savent qu'elles ne peuvent rien faire, ni pour elles-mêmes, ni pour les autres. Et elles ne peuvent rien nuire à personne, ni à elles-mêmes, ni aux autres. Mais ils les prennent, comme on sait, comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mm-hmm. Ben, des fois, il y a des ulama quand ils l'expliquent, ils disent Rabbu samawati wal aradin. Des fois, ils le disent les cieux et les terres. Mais étant donné que nous, on vit sur cette terre, tu vois, on a plus l'habitude de dire ça, même si on dit toujours samawat, les cieux. Peut-être parce que c'est grand, Allahu a'lam. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'étoiles, Allahu a'lam. Mais c'est peut-être une question aussi d'habitude. Pourquoi on dit ça plutôt que ça, Allahu a'lam. On fait kabarak. Donc, c'est ça. Si, par exemple, quelqu'un, les chrétiens, c'est un des problèmes qu'ils ont dans leur compréhension de la religion. Eux, même je me rappelle, avant d'être musulman, je me souviens que les chrétiens avaient toujours l'habitude de dire, par exemple, le Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs, le Dieu de, pour eux, chaque religion, elle a son Dieu. Hein? Par exemple, juste pour vous donner un exemple, ils disent, par exemple, le Dieu de l'Ancien Testament, puis le Dieu du Nouveau Testament. Ils sont le même livre, ils lisent eux-mêmes le même livre. L'Ancien puis le Nouveau, c'est la Bible. Hein? Donc ils disent l'Ancien Testament, il y a le Dieu de l'Ancien Testament, puis ils disent le Dieu du Nouveau Testament. Donc quand ils parlent, pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'ils disent, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu qui punit, c'est un Dieu dur. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Il dit, subhanallah, c'est le même Dieu, le Dieu qui a révélé à Moussa et à Ibrahim et à Ishaq et à tous les autres prophètes, c'est le même que celui qui a révélé à Isa ibn Maryam. Comment vous pouvez dire que un c'est différent de l'autre? Hein? Donc c'est pour ça que tu vois la contradiction dans leur compréhension de Dieu. Et même par rapport aux autres, quand ils parlent par exemple des musulmans, ils disent le Dieu des musulmans, il s'appelle Allah. Hein? Et c'est comme ça qu'ils nous apprenaient à l'école. Donc, quand j'étais petit et que j'écoutais les professeurs d'enseignement religieux qui nous enseignaient sur les autres religions, ils nous disaient toujours, les musulmans, ils ont un autre Dieu, il s'appelle Allah, et c'est pas le même Dieu que le Dieu que nous on adore. Donc, ils donnent dans l'esprit des enfants l'idée qu'il y a plusieurs dieux. Hein? Et ça, c'est absurde. Parce qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un créateur de tout. Hein? Il ne peut pas y avoir plus qu'un seul maître de tout. Hein? Et c'est pour ça que, alhamdoulilah, quand tu rentres dans l'islam et que tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui-même dans le Coran et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique qui est Allah subhanahu wa ta'ala et comment il explique que tous les messagers qui ont été envoyés par le même Dieu et que c'est le créateur de tout. Et qu'il n'y a pas de créateur en dehors de lui. Il n'y a pas de maître de l'univers autre que lui. Il n'y a pas de tout-puissant excepté lui. Déjà, si tu dis que c'est lui le tout-puissant, il n'y a personne qui a de puissance, hein, en dehors de lui. Il n'y a pas personne qui a créé en dehors de lui. Donc, ça veut dire qu'il possède tout. Il est le maître de tout. C'est lui qui a tout créé. Tout lui appartient. Donc, il n'y a personne qui peut posséder quoi que ce soit d'autre en dehors de lui. Hein? Et ça fait partie des choses qui m'ont aidé même justement à accepter l'islam, parce que c'est le tawhid. Hein? Et quand je disais parfois aux chrétiens de ma famille ou bien aux prêtres, quand je les rencontrais, je leur disais, si Dieu veut quelque chose, puis, non, si Jésus veut quelque chose et Dieu veut pas, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est ce que Dieu veut qui va arriver ou ce que Jésus va arriver? Ils disaient tous, mais qu'est-ce que Dieu veut? Il dit, ah, mais dans ce cas-là, c'est Dieu que tu dois adorer. C'est pas Jésus. Hein? Donc ça, c'est des exemples simples, mais ces gens-là, ils ont, comme on dit souvent, ils ont été, hein, tellement habitués à penser d'une certaine manière, ou à plutôt ne pas penser, et à pas se poser les questions, à pas réfléchir sur ces choses-là, que à la fin c'est comme si ils deviennent un peu comme des robots programmés. Et moi je me souviens, c'est comme ça qu'on nous a appris. On était comme ça. On nous a programmés à penser d'une manière et à pas se poser de questions. Donc quand on commence à se poser des questions, on réalise tout de suite la contradiction. Hein? Mais c'est pour ça que les chrétiens, ils font beaucoup d'efforts pour garder les chrétiens le plus ignorant possible de leur religion et de ne pas lire leurs livres pour voir les contradictions qui existent. Parce que les chrétiens, ils ont tellement été habitués à comprendre que il n'y a rien d'autre en dehors du christianisme, que s'ils commencent à douter de leur Bible ou de leurs contradictions, puis on leur montre ça, puis après, ou bien ils ont déjà eu des doutes, même avant même qu'ils entendent parler de l'islam, déjà ils savent qu'il y a des problèmes dans la Bible, il y a des problèmes dans l'Église. Si ce n'est pas sur le plan des livres, des littératures religieuses, ou bien ou bien du clergé ou des prêtres qui sont dégoûtés par leurs actions, eh bien c'est sur le plan historique, quand tu regardes qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que l'Église a fait au nom de Dieu, prétend qu'elle représente Dieu ou qu'elle est infaillible, l'Église, puis après ils font ces choses-là au nom de leur religion. Donc, tout en contradiction avec ce qui est écrit, beaucoup de gens rejettent. Puis, quand, comme Murtal disait, Yanni, étant donné qu'ils ont rejeté ça, ils pensent qu'il n'y a que le christianisme, puis que donc en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Donc, ils deviennent athées. C'est comme si soit tu es chrétien, ou soit tu crois en rien. Ils ne savent pas que, il y a l'islam. Ils savent pas qu'il y a une autre option, que c'est pas nécessaire que tu deviennes athée, justement. Et puis, donc, alhamdoulilah, bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a guidé à l'islam, justement, et il m'a fait comprendre. Moi, c'est quand j'ai appris sur le tawhid, pour dire mon expérience personnelle, c'est quand j'ai appris sur le tawhid que j'ai été intéressé à l'islam. Parce que avant ça, j'entendais parler de l'islam, je pensais que c'était une religion comme l'hindouisme. Des gens qui adorent des statues, qui se prosternent devant des idoles, des trucs comme ça. Comme je disais la dernière fois, au dernier cours, les serpents, les trucs, les flûtes là, les tu sais comment on appelle les comme les gens qui charment les serpents là. Oui, les cobras et tout, ouais. Charmeurs de serpents, des sorciers, des trucs comme ça, ouais. Donc c'est ça, subhanallah. Puis hier, je parlais avec un chrétien africain du Congo, justement, et lui, il connaît beaucoup de musulmans qui viennent des pays d'Afrique de l'Ouest, mais qui ont cette culture de marabout, puis de trucs comme ça. Donc, il a un intérêt pour l'islam, mais c'est comme si il n'a jamais rencontré un musulman qui lui explique le tawhid. Donc, hier, quand j'ai commencé à lui parler, et je lui expliquais ces choses-là, et je lui parlais justement du fait que qu'est-ce qui est enseigné par les marabouts, ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein? Et je lui ai donné des exemples et tout. Mashallah. À la fin, il était très très très content. Puis, ça se peut qu'il va se convertir bientôt, Inch'Allah, j'espère en tout cas. Mais Inch'Allah, je pense que j'ai vu qu'il s'intéresse vraiment, puis que ça donne des signes positifs. Donc, pour faire comprendre qu'il n'y a pas de Dieu excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Les chrétiens, eux, ils l'appellent Dieu, et des fois ils l'appellent Jésus, parce qu'ils mélangent Dieu et Jésus. Des fois ils disent que Jésus c'est Dieu incarné, que c'est trois en un, hein. Alors que Jésus il est né, sorti du ventre d'une femme. Mais il se base sur quoi pour dire qu'il est Dieu ou fils de Dieu? Souvent il se base sur le fait que il est né miraculeusement, comme s'il n'avait pas de père. Et s'il n'avait pas de père, ça veut dire, ils disent donc, son père c'est Dieu. Hein? Mais ça ne veut pas dire ça, puisque même Allah il le dit dans le Coran, Adam, alayhi salam, lui aussi n'avait pas de père. C'est-à-dire Adam, il n'avait pas de père, et Ève, elle n'avait pas de père non plus, ni de mère. Si tu devais te baser sur ça pour dire que Jésus est le fils de Dieu, tu devrais dire dans ce cas-là aussi que Adam est encore plus le fils, hein, mériterait encore plus d'être le fils de Dieu. Malgré tout, les chrétiens ne disent pas ça. Hein? Oui, les chrétiens ils croient en Adam et Ève, mais ils ne disent pas que c'est le fils de Dieu. Donc, ça c'est un argument pour leur faire comprendre que ça, c'est pas possible. Que si vous dites pas d'Adam qu'il est fils de Dieu, pourquoi vous dites de Jésus alors qu'il est fils de Dieu juste parce qu'il n'avait pas de père? C'est pas un argument, tu vois? Ou bien ils se basent sur le fait que, par exemple, il faisait des miracles. Alors qu'il y a plein d'autres prophètes aussi qui ont fait des miracles. Hein? Moussa alayhi salam, hein, il a, avec Allah subhanahu wa ta'ala, lui ordonne de frapper avec un bâton, et puis la mer se fend en deux. Et puis il traverse avec son peuple. Il frappe avec un bâton sur un rocher, l'eau commence à couler. Il rentre sa main dans son manteau, elle sort éclatante et blanche. Et tous les plagues qui ont tombé sur l'Égypte, tout ça, ouais, c'est ça. Donc c'est des exemples de miracles, et il y en avait d'autres que d'autres prophètes ont fait. Tout ça, ils le font par la permission d'Allah. Donc si Isa, alayhi salam a fait des miracles, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi. Hein? Oui, ben ceux qui sont dans la Bible, ils les acceptent et ils y croient, tu vois. Sauf qu'ils ne font pas de parallèle entre les deux. C'est comme si pour eux, c'est comme si les miracles de Jésus, étant donné qu'ils en ont entendu plus parler, donc ils mettent plus d'importance sur ça. Puisque depuis qu'on est petit, c'est ça qu'il nous avait raconté, les prêtres à l'école, qu'ils prenaient un pain, puis ils le multipliaient, puis là ils donnaient à manger à tout le monde, il y avait juste un pain, puis le poisson, ils prenaient un poisson, ils le multipliaient, il y en avait plein, tout le monde mangeait du poisson, des choses comme ça, tu vois. Il y avait un aveugle, il l'a guéri par la permission d'Allah, il l'a vu. Quelqu'un qui était mort, Lazare, il a dit lève-toi et marche, il a marché. Donc des exemples. Donc ça on l'entend depuis qu'on est petit, on entend ça. Donc ça devient comme si on pense qu'il n'y a plus personne d'autre qui a fait des miracles sauf lui. Mais on ne réalise pas en même temps que ça c'est par la permission d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, que tout ça c'est par la permission d'Allah. Donc Et une chose aussi qui est importante à mentionner aux chrétiens quand tu leur fais la da'wa, c'est que même Jésus lui-même, il a toujours fait une distinction quand il parle de lui-même entre lui et Dieu. Hein? Et comme par exemple dans la Bible tu lis, un homme qui vient voir Jésus lui demande, Père, que dois-je faire pour il dit pas Père, il dit que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui dit il dit bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui dit ne m'appelle pas bon, seulement Dieu est bon. Hein? Donc il fait la distinction entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, quelqu'un est venu le voir, lui demande quand est-ce que va être l'heure du jugement dernier? Et puis il répond, il a dit nul ne sait l'heure, ni les anges, ni le Père, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, seul Dieu connaît l'heure. Donc ça veut dire, si les chrétiens disent que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ces trois-là forment un, et que tous les trois sont Dieu, et qu'ils sont égaux, et qu'ils sont tous les trois éternels, les trois sont, ont pas de début, ont pas de fin, comme les chrétiens disent, eh bien ça veut dire qu'ils devraient tous savoir qu'est-ce que l'autre sait. S'il y en a un qui sait quelque chose, l'autre il peut pas le savoir en même temps, puisqu'ils sont la même personne. Donc comment ça ils prétendent que le Père sait, mais le Fils sait pas? C'est pas logique. Hein? Donc ça c'est une réponse, une réfutation de ce qu'ils prétendent. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il y a plein d'autres preuves aussi de ça. Même dans l'Ancien Testament, tu vois, Jésus quand il parle, il dit « Mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac ». Le Dieu de mes ancêtres. Bon, ça veut dire que lui, il adore le même Dieu que tous les prophètes. Pourtant, les prophètes, ils adoraient pas Jésus, hein? Ils adorent pas. Il y a aucun prophète qui priait à Jésus ou qui adorait Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus, il est en train de dire à ces gens-là, mon Dieu, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est celui que tous les prophètes ont adoré. Donc, ne m'adorez pas moi, adorez Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Dieu seul. Barakallahu fik. Donc comme le frère Marwan il dit, c'est ça, la Bible telle qu'on la connaît maintenant, c'est pas qu'est-ce que Allah a parlé dans le Coran, la Torah, et c'est pas qu'est-ce qu'il a parlé non plus, que c'est Al-Injil. Al-Injil, c'est le livre qui a été révélé sur Isa, mais il n'existe plus aujourd'hui ce livre-là. Et la Torah, c'est la Bible, c'est le livre qui a été révélé sur Moussa alayhi salam, mais il n'existe plus aujourd'hui. Hein? Wa alaykoum salam. Tout là, il a été changé et déformé. Et qu'est-ce que les chrétiens ont aujourd'hui qu'ils appellent la Bible? C'est pas le livre tel qu'il était révélé à ces prophètes-là. Et c'est pour ça que on doit toujours leur rappeler, comme le frère dit, c'est des témoignages, soit des témoignages des gens qui ont entendu et qui ont écrit ça, ou bien des gens qui ont soi-disant, ils prétendent qu'ils ont vu. Mais il n'y a aucun moyen de savoir si c'est authentique ou non. Puis, en même temps aussi, même si c'était la vraie Bible, la vraie, disons, Torah et la vraie Injil, eh bien, on n'aurait pas quand même plus le droit de le suivre comme étant une référence, parce que le Coran il est venu pour prendre le dessus sur, et pour abroger qu'est-ce qui a été révélé avant. Donc ça c'est important de connaître ces choses-là pour que lorsqu'on va parler avec des chrétiens, on a des arguments et on sait comment leur expliquer les choses. Sans trop rentrer non plus dans des histoires de débats bibliques, commencer à sortir la Bible, dire oh, regarde ce verset-là, comme les débats comme un peu comme Ahmadidat et des trucs comme ça. Parce que si tu rentres là-dedans, tu vas pas t'en sortir, ça va juste tourner en rond. Souvent c'est difficile. Hein? Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qui est plus important et plus intéressant, c'est de ramener ces gens-là vers les bases, vers le tawhid, vers la croyance, et d'utiliser les arguments rationnels que Allah a mentionnés dans le Coran pour les convaincre. Et ça c'est quelque chose qui est clair, et quand on leur explique ces choses-là, ils ne peuvent pas nier la réalité, hein, de ces preuves-là. Donc c'est ça. Le Cheikh il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit par la suite donc que, étant donné que c'est lui seul Allah subhanahu wa ta'ala qui est ar-rububiyya, qui est le seul maître, qui est le seul créateur, qui est le seul pourvoyeur, qui est le seul qui peut nuire et qui peut profiter, c'est le seul qui contrôle tout qu'est-ce qui se produit dans l'univers, donc c'est lui dans ce cas-là qui est le seul à mériter d'être adoré, et ça vient annuler l'adoration de toute autre chose que lui. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5 de sourate Al-Fatiha, après avoir dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le Cheikh dit que ça implique quoi? Ça implique l'exclusivité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça vient limiter le droit de l'adoration à Allah seul. Parce que le fait de dire c'est toi seul que nous adorons, c'est différent que de dire nous t'adorons. Quand on dit nous t'adorons toi, c'est pas la même chose quand tu dis nous t'adorons que tu dis c'est toi que nous adorons, ou bien nous t'adorons toi. Nous t'adorons toi et toi nous. Attends. Iyyaka na'budu, ça c'est comme si tu dis. Tu mets le pronom avant le verbe en arabe, ça implique que c'est pour restreindre hein, la chose de laquelle tu parles. Donc iyyaka na'budu, ça veut dire c'est toi seul que nous adorons. C'est pas comme si tu disais na'buduka, on t'adore. Parce que si tu dis on t'adore, ça peut vouloir dire on t'adore toi, puis on adore d'autres que toi aussi. Mais quand tu dis iyyaka na'bud, ça veut dire nous n'adorons que toi. Ça veut dire c'est toi seul que nous adorons. Ça vient restreindre la signification, hein, et ça vient limiter l'adoration à Allah seul. Et quand on dit Iyyaka nasta'in, c'est la même chose. Ça veut dire c'est toi seul que à qui nous demandons de l'aide, nous cherchons notre aide. C'est pas la même chose que si on disait nasta'inuka. On cherche, c'est-à-dire on cherche ton aide. Ça pourrait être qu'on cherche ton aide et on cherche l'aide de quelqu'un d'autre aussi. Mais là, on dit, c'est de toi seul, hein, de qui nous cherchons l'aide. Donc, c'est dans cette formulation-là, il y a quelque chose qui vient rendre l'affaire exclusive. Hein. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça, il y a plusieurs exemples de cette façon de formuler les choses pour montrer qu'il y a une exclusivité pour Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration dans plusieurs versets comme ça. Ensuite le cheikh il explique, il dit fa iyyaka na'bud yakhtalifu 'an na'buduka, c'est ça que je disais, parce que quand tu dis na'buduka, ça c'est ithbat seulement, c'est juste l'affirmation, tandis que iyyaka na'bud yatadammanu an-nafy wal ithbat, c'est toi, c'est quand tu dis Iyyaka na'budu, Iyyaka ça veut dire seulement toi. Donc il y a la négation et il y a l'affirmation. Il y a les deux. Il n'y a pas seulement l'affirmation dedans. D'accord? Donc, yatadammanu an-nafy wa al-ithbat. Ay na'buduka la na'budu ghayrak. C'est ça que ça veut dire. Et la na'budu ghayrak, c'est ça que ça veut dire. Al-ibadah la tasihu illa ma'a an-nafi wal-ithbat wa huwa ma'na la ilaha illa Allah. Wa fiha nafy wa ithbat. Nafy al-uluhiyyah 'amma siwa Allah wa ithbatuha lillah 'azza wa jalla. Donc il faut qu'il y ait les deux, l'affirmation et la négation. Donc quand tu dis iyyaka na'bud, il y a ça, il y a l'affirmation, il y a la négation et l'affirmation. Et l'adoration, elle ne sera pas valable excepté si elle comprend ces deux aspects-là, l'affirmation et la négation, les deux ensemble. C'est-à-dire que ça, c'est la signification de la ilaha illallah. La ilaha, c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et illallah, c'est l'affirmation que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Donc sans ces deux choses-là, ça ne marche pas. Hein? C'est pas juste dire je crois en Dieu, Dieu existe, il y a un Dieu, il est unique, ça c'est pas suffisant. Tant que tu n'as pas dit après, et c'est lui seul qui a le droit d'être adoré, là tu es croyant, avant tu n'étais pas croyant. Hein? Donc ça c'est un point important. Après le cheikh dit « Faqul, fa'idha qila laka bima arafta rabbak » Si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, par quoi l'as-tu connu, tu dis faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, c'est-à-dire par ses signes et par ses créations, par ses créatures. Le cheikh Al-Fawzan explique, il dit anta qult Allahu rabbi aw rabbi Allah alladhi rabbani bi ni'amihi ma huwa ad-dalil ala anna Allah rabbuka alladhi rabbaka bi ni'amihi. جاء الشيخ جاء الشيخ بأدلة الوحي أو بأدلة من الوحي ومن العقل كما سيأتي. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، لأن من ادعى شيئا فلا بد أن يقيم الدليل على دعواه، والدعوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. لا بد لكل مدع أن يقيم الدليل على دعواه وإلا كانت دعواه غير صحيحة. أنت قلت ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، ما الدليل؟ فقل الدليل آياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة على الشيء والدلالة على الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث أي علاماته. Donc le cheikh il explique. Donc si on te demande qui est ton Seigneur, tu vas dire mon Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a nourri, qui m'a fait me développer, qui m'a fait grandir, qui m'a transformé, qui m'a changé depuis mon état de, depuis le qu'est-ce que j'étais dans le ventre de ma mère et que je me suis développé et qui m'a fait devenir un homme, qui m'a fait grandir, puis qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui et qui continue à me faire grandir et à me nourrir et à me donner mon risque et à me donner ma subsistance et à s'occuper de moi. Donc tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait par sa grâce. Et ça c'est et si on me demande quelle est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala c'est ton Seigneur et que c'est lui qui t'a nourri de ses grâces, qui t'a élevé et qui t'a éduqué et qui t'a transformé, qui t'a formé par sa grâce, il dit le cheikh il a ramené des preuves de la révélation pour supporter ça, et ce sont des preuves de la révélation et des preuves de la raison aussi, et puis on va en mentionner. On va les mentionner. Ça va venir. Il dit, si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, parce que celui qui prétend quelque chose, il faut qu'il ramène des preuves. Parce que s'il ne ramène pas des preuves, s'il ne ramène pas des preuves, ça reste juste des prétentions. Qu'est-ce qu'il fait, Et ça c'est important. Toute personne demande des preuves. Et les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné au dernier cours, eh bien, elles sont innombrables. Et en réalité, pour dire la vérité, comme on le dit souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas vraiment besoin, il ne nécessite pas vraiment de preuves pour prouver qu'il existe. Parce que c'est quelque chose qui est dans notre fitra. C'est quelque chose qui fait partie de notre nature, de notre être, hein, du plus profond de notre âme. Chaque être humain, au fond de lui-même, il reconnaît l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et même les enfants, les petits-enfants qui sont petits, tu leur parles d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'acceptent et ils comprennent cette notion-là. Hein? Et tous les hommes le reconnaissent au fond d'eux-mêmes. C'est pas quelque chose d'étranger pour eux. C'est pas quelque chose de difficile pour eux à concevoir ou à comprendre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Donc, ça c'est quelque chose qui est normal et naturel. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu mauloudin yuladu ala al-fitra. Fa abawahu yuhawidan ou yunassirani ou yumajisanihi. C'est ses parents qui le font changer de cette fitra, qui le font sortir de cette fitra, de cette nature, qui le font devenir chrétien, ou qui le font devenir juif, ou qui le font devenir majus, ou une autre religion parmi les religions de shirk et de kufr. Donc, ça c'est un point, et également, il y a tout ce qui existe autour de nous, notre corps, notre création, c'est des preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que le cheikh il mentionne que, wa alaykum salam wa rahmatullah, que dans les preuves de notre création, et dans les preuves que Allah c'est notre Seigneur et que c'est lui qui nous a nous développer ainsi de suite, eh bien il y a des preuves dans les signes d'Allah et les preuves dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ces deux catégories de preuves. Et si on veut, on peut dire que les preuves dans les signes, c'est en arabe, le terme qui est employé pour désigner les signes, c'est ayat. Ayat. Et les ayat, en arabe, c'est le pluriel, et le singulier, c'est ayat. Et ça veut dire les alamat en arabe, synonyme de ayah, alama, et ça veut dire donc les preuves de quelque chose et les choses qui montrent ou qui prouvent ou qui désignent quelque chose. Donc quand on dit par exemple dans le hadith du prophète sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le signe de l'hypocrite sont deux trois, donc le terme qui est employé c'est ayah, ayatul munafiqi thalath, c'est yani pour dire que il y a des caractéristiques pour distinguer le munafiq, et ça fait partie de ces trois caractéristiques-là qu'il a mentionné dans le hadith. Donc, le terme ayah est employé pour désigner les signes. Et il dit ici, wa qawluhu bi ayatihi ay al-alamat wa dilalat ad-dalla alayhi subhanahu wa ta'ala fi jami'i hadhihi al-kainat allati tarawnaha kulluha كانت معدومة ثم إن الله أوجدها وخلقها بقدرته سبحانه وتعالى ومنها خلق يتجدد مثل النبات والمواليد وأشياء ما كانت موجودة ثم وجدت وأنتم تنظرون إليها من الذي يخلقها هو الله سبحانه وتعالى هل تخلق نفسها هل أحد من البشرية خلقها لا لا أحد ادعى هذا ولا يستطيع أن يدعى وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون هذه الأشياء ما أوجدت نفسها أو أوجدها غيرها من المخلوقات أبدا لم ولن يخلق أحد شجرة أو بعوضة أو ذبابا لأن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Donc le cheikh il explique que par les signes, donc c'est-à-dire par les signes et les preuves qui indiquent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les créations qu'on voit avec nos yeux maintenant autour de nous, elle n'existait pas auparavant. Elle n'existait pas auparavant, puis maintenant elles existent, hein? Ouais, ça va passer. Ça, c'est comme un cadran solaire là. Ça me donne l'heure exacte. Non. Donc, elles n'existaient pas ces choses-là. Puis, maintenant, elles ont existé. Elles ont existé parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créées, c'est lui qui les a fait exister par sa puissance. Ok? Donc, toutes ces créatures-là qui sont autour de nous, là, parmi elles, il y en a des créatures qui sont inertes et il y en a d'autres qui sont vivantes. D'accord? Les créatures inertes, on voit qu'elles ne se reproduisent pas, elles sont mortes, si on veut. Hein? Comme les roches, comme la lune, le soleil, hein? Les pierres, ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Bon, et il y a d'autres créatures qui sont vivantes, qui se reproduisent, hein? Et qui n'existaient pas, puis elles existent par la suite parce que elles se reproduisent entre elles, comme par exemple les animaux, les plantes, les êtres humains, ainsi de suite. Hein? Ils se reproduisent de cette manière-là. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est moi qui ai dit ça? Ah ok, ouais c'est ça, tu veux savoir quoi à propos de ces monstres? Yanni, moi d'après ce que je vois, c'est des gros animaux, Yanni. Et s'ils ont existé, effectivement, on voit des ossements. Donc s'ils ont réellement existé, ben, ça fait partie de la création d'Allah. Allah, il crée qu'est-ce qu'il veut. Ben, Allah parle des animaux. Il a dit qu'il y a des animaux qu'il a créés qui marchent à quatre pattes et d'autres qui rampent sur leur ventre et même des animaux qu'on n'a jamais vus. Oui, donc, Allahu a'lam. Mais ça fait partie des choses qu'on n'a pas vues, nous, vivants. Hein? C'est des animaux, comme eux ils disent, préhistoriques, soi-disant. En réalité, ça fait partie de la création d'Allah, peu importe. Mais on ne sait pas... On ne sait pas les détails puisqu'on n'était pas là, hein, à cette époque-là. Mais ça se peut que ce soit une invention aussi, mais ils sont capables de faire des inventions, mais qui évoluent. Mm-hmm. Ouais, peut-être par rapport à l'homme qui vient du singe et des trucs comme ça. Ouais, la théorie de Darwin. Parce que d'après ce que j'avais appris, ou que ce qu'ils disent à l'école, qu'est-ce qu'on a appris à l'école, c'est que à l'époque, soi-disant, comme ils disent, quand il y avait des dinosaures, ils prétendent qu'il n'y avait pas d'êtres humains encore. Les êtres humains sont. Il y a eu, je sais pas, un météorite qui est tombé sur la Terre, et puis que les dinosaures sont morts. Et après ça, je sais pas combien de temps, bon, ils disent qu'il y a les êtres humains qui sont apparus. Mais c'est des koufars, Yann. Il ne faut pas s'étonner parce que ça, c'est des koufars, ils inventent des histoires pour faire douter les gens en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils essaient de mettre dans le cœur des enfants une fausse aqida pour leur expliquer l'existence de la création par autre que la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, comme le Big Bang. Et ça, tout ça, c'est des théories matérialistes pour éliminer dans le cœur des enfants et dans le cœur des adultes aussi la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils leur disent quoi? Ils leur disent que l'univers s'est créé tout seul par une explosion. Et qu'après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que par hasard, il y a eu des cellules il y a eu de l'eau, puis après il y a eu des cellules, puis les éléments étaient ensemble. À un moment donné, puis par hasard, ben il y a eu de la vie, il y a eu des cellules, puis les cellules sont développées par elles-mêmes, puis qu'elles sont devenues des organismes plus compliqués. Au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus compliqués jusqu'à ce qu'elles aient qu'elles se soient adaptées et qu'elles développent en elles-mêmes et par elles-mêmes la capacité de se reproduire puis que par la suite elles aient la capacité de se, yani, par sélection naturelle comme ils disent, ou bien par yani, d'autres moyens, et que ça s'est développé jusqu'à ce que il y ait des animaux qui commencent à être comme des petits insectes dans l'océan. Après, ça a évolué jusqu'à ce que ça devienne des poissons, puis après les poissons, ils ont commencé à vouloir aller dehors. Donc elles avaient des branchies, ça s'est développé avec des poumons petit à petit, puis là ils ont commencé à apprendre à respirer dehors, et là pour ramper elles prenaient leurs nageoires, mais là avec les milliards d'années c'est devenu des pattes petit à petit. Et là après des milliards d'années encore après, soi-disant, ben là il y en a qui ont commencé à développer des plumes puis des ailes, puis ils ont commencé à voler. Yani. Mais en fait, moi, quand ils me disent que l'homme vient du singe, là, moi, c'est pas ça la question, moi, qui m'inquiète le plus dans leur histoire de conte de fées, là. La vraie histoire qui me dérange, c'est de savoir d'où est-ce qu'il vient le singe. Parce que c'est vrai, si l'homme vient du singe, d'accord, c'est un détail. Si eux, ils prétendent que leur histoire, c'est vrai, qu'ils pensent qu'il y a une ressemblance entre un homme et un singe, donc peut-être qu'il y a des parents communs à l'être humain qu'ils disent que c'était un singe, d'accord? Ok, mais le singe, lui, il vient de quel animal? Et il évoluait de qui? Hein? Ou bien il est venu d'une autre source indépendante des autres? Il y en a qui est apparu tout seul comme ça. Donc, n'importe quel être humain qui est rationnel, qui a un minimum d'intelligence et de raison, il peut pas admettre ces choses-là. Il peut pas admettre que ces choses-là se sont juste transformées d'elles-mêmes. Hein? Oui, c'est ça. Ça ne peut pas tenir debout. Et même si tu parles du temps, le facteur de temps, parce que c'est là-dessus qu'il se base. Il se base sur le facteur que c'est des mutations qui se sont faites dans les gènes, et que à cause que ça a pris des milliards d'années, ça s'est développé. Mais qu'est-ce qui fait que un milliard d'années, ça fait une différence? Si une espèce, c'est une espèce, et qu'elle se multiplie, elle se développe comme ça, pendant des milliards d'années, qu'est-ce qui fait que ça... Premièrement, qu'est-ce qui provoque cette mutation-là, soi-disant? Et qu'est-ce qui fait que cette mutation-là, elle puisse se transmettre d'une génération à l'autre? Hein? Parce que, allez, ça ne tient pas debout. Mais, qu'est-ce que j'ai vu par expérience et par qu'est-ce que j'ai eu comme le fait de côtoyer des profs de biologie des fois, pour que je discute avec eux de ce sujet-là, puis que j'essaie d'argumenter avec eux pour leur faire voir le problème. Mais il n'y en a aucun qui accepte de voir. Parce que c'est comme si on leur a appris une théorie, puis ils refusent de sortir du modèle de cette théorie qu'on leur a appris. Parce que pour eux, c'est la seule manière pour eux d'expliquer ça sans parler de Dieu. Donc ils ne regardent pas est-ce que c'est logique ou non. Ils regardent juste est-ce que ça explique qu'est-ce qui se passe, oui ou non. Et est-ce qu'on est capable d'éliminer Dieu de notre façon de penser ou de notre façon de vivre? Est-ce qu'on peut continuer à régler nos affaires politiques, économiques, sociales et etc. sans parler de religion? C'est ça leur objectif, et c'est pour ça qu'ils ont inventé cette théorie-là. C'est parce qu'ils voulaient établir leur système de laïcité, puis pour ça, t'es obligé d'éliminer la religion de la vie des gens, et de la pensée des gens. Et en inventant ces histoires, ça permet par la suite à dire, bon, Dieu n'a pas rien à faire dans qu'est-ce qui existe, c'est une fable. Eux, ils disent, c'est comme un conte. Donc, on va mettre ça de côté, puis on va se concentrer sur la science et sur on va gérer nous-mêmes notre vie, on va faire notre propre système, on va faire nos propres lois, et on va pas se baser sur la religion, sur les lois de Dieu, sur la révélation, sur les prophètes, et ainsi de suite. Donc, ils ont amené ça pour aboutir par la suite à combattre la religion d'Allah, combattre la da'wa des messagers. Et les raisons pour lesquelles ils ont fait dernièrement à Hollywood plein de films sur les dinosaures puis sur ces trucs-là, c'est pour justement entrer ça dans l'esprit des enfants, pour que les enfants ils aient plus d'aqida, pour détruire. Là, tu vois, donc c'est ça. Non. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai. Parce qu'il y a même des musées là, dans certaines villes aux États-Unis où ils mettent des squelettes de dinosaures puis des trucs comme ça. Puis ils font des visites guidées avec les enfants pour aller voir ça. Puis même moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une matière à l'école, puis il fallait dessiner les dinosaures et des trucs comme ça. Donc c'est depuis l'enfance et même l'évolution, comme tu dis, ils mettent toujours une photo avec comme par exemple plein d'étapes de l'être humain, du développement soi-disant de l'être humain jusqu'à l'homme. Ça commence par un chimpanzé, ça, en tout cas un petit singe là, hein, qui marche comme ça à quatre pattes. Et puis petit à petit, tu vois la photo qui avance, puis ce petit singe là, il devient de plus en plus grand, qui comme c'est ça. Oui, les trucs, hein, les tyrannosaurus ou je sais pas quoi. En tout cas, les dinosaures. Hein. Et puis avec chaque nom de chaque soi-disant ancêtre de l'homme. Et ça là, c'est comme toujours pour détruire la Aqida. Moi, je me rappelle, on était en secondaire 2, on avait le cours d'histoire générale, et il y a des élèves qui posaient la question au prof. Adam et Ève, il est où là-dedans? On posait ça au prof, la question, et eux, ils ne voulaient pas rentrer là-dedans, ils ne voulaient pas répondre. C'est pour faire comprendre qu'en réalité, c'est ça. Pour tuer la aqida dans le cœur des enfants, parce que tu peux pas dire, surtout que pour des gens qui se disent catholiques dans une école catholique, par exemple ici au Québec, quand tu grandis tu prends les cours d'enseignement religieux depuis que tu es petit, puis après ça tu arrives dans un cours d'histoire, puis il te détruit toute ta aqida avec un cours d'histoire ou un cours de géographie, tu dis mais non, mais ça fait pas de sens, qu'il y a une contradiction entre qu'est-ce que Dieu a révélé, puis entre qu'est-ce que on observe dans la création. Il n'y a pas de possible, ça peut pas être possible. Donc c'est là que ça commence le conflit, mais tout ça c'est calculé, c'est fait exprès pour détruire la aqida des jeunes. Ici au Québec, ça a toujours été comme ça, puis on dirait que c'est fait exprès. Puis ils veulent pas que les gens apprennent justement autre chose que ça. La théorie de Darwin, maintenant, c'est pour certains koufars, c'est considéré que si tu l'enseignes pas dans ton école, eh ben c'est comme si pour eux là t'es un intégriste, t'es un dangereux, hein. T'es contre la science. Ok. Ben tout ça c'est relié. Tout, comme tu dis, les dinosaures. La théorie de Darwin, l'évolution, le Big Bang, toutes ces histoires-là sont toutes reliées avec les nouvelles théories des koufars qui sont reliées par exemple avec la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme c'est quoi? C'est basé sur la théorie du contrat social, le contrat naturel. Le contrat naturel c'est quoi? C'est que l'être humain, à la base, ils étaient à un état sauvage, comme des bêtes. Puis qu'ils se sont mis ensemble à un moment donné pour faire un contrat. Et avant, ils avaient la totale liberté de faire tout ce qu'ils voulaient, mais ils ont accepté d'abandonner certaines de leurs libertés pour un bien général, pour un bien commun. Tu vois? Puis là, c'est comme ça. Après, ils disent, bon, on choisit un dirigeant, puis après, il y a toutes les théories de démocratie par la suite, les députés, l'Assemblée nationale, les trucs comme ça, puis le vote, les élections, ainsi. C'est une des théories comment ils expliquent l'origine de ça. Puis il y a d'autres qui l'expliquent différemment. Puis ça, on l'avait appris en éthique et politique, en philosophie, ils enseignaient ça. Thomas Hobbes, John Locke, puis Jean-Jacques Rousseau, Descartes, puis l'autre là, comment il s'appelle, Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, c'est un philosophe chrétien. C'est un des pères de l'Église. Donc, tous ces gens-là, ils avaient leur théorie sur ces trucs-là. Et beaucoup de gens, ils ne savent pas, mais c'est très important de le savoir aussi, c'est que toute la aqida des chrétiens est basée sur la philosophie grecque. C'est pour ça que les prêtres, l'Église, ils cachaient les livres de philosophie grecque. Et que les, et quand les musulmans les ont traduits en arabe, eux, ils étaient contents parce qu'ils voulaient s'en débarrasser. Et les musulmans, ils ont pris ça, et ben, ils ont utilisé pour faire les gens de bid'ah, les gens d'égarement, ils ont utilisé la philosophie grecque pour faire des sectes et des égarements parmi les musulmans. Hein? Et ils ont essayé de, d'imiter les chrétiens. C'est de là qu'est venue la bid'ah des Jahmiya et des Mu'tazila et des Asha'ira, hein, et des Maturidiya. Puis, ils ont amené ça en Espagne. Et là, les Espagnols, ils ont repris, ils les ont retraduits, et ils l'ont utilisé pour combattre le christianisme après. Puis ramener, justement, la Renaissance, soi-disant, puis installer leur soi-disant laïcité. Parce que le dogme du christianisme et de l'Église, il n'est pas basé sur la Bible. Puisque dans la Bible, il n'y a rien qui prouve leur dogme. La Trinité, tu leur demandes, montrez-moi la Trinité dans la Bible. Il n'y en a pas. Hein? L'Eucharistie, tous les trucs là, des dogmes de base qui dit par exemple que l'Eucharistie, c'est quoi? C'est quand le prêtre il fait la communion avec les gens dans l'église, il prend l'hostie, le pain, puis le vin. Puis qu'à cet instant-là, ça se transforme en le corps et le sang de Jésus. Et ça, c'est comme eux là, ils disent, ça c'est une réalité scientifique. C'est-à-dire, c'est une vérité absolue. Tu ne peux pas remettre en question ça. Et il y a eu des débats entre eux pour savoir est-ce que c'est vrai. Est-ce que ça devient vraiment le corps de Jésus et le sang de Jésus, oui ou non. Hein, ils se débattaient là-dessus. Et donc, ça c'est un de leurs dogmes. Puis le dogme du péché originel. C'est-à-dire que tous les hommes naissent pécheurs. C'est-à-dire que t'as un enfant, quand il est né, il est pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a soi-disant hérité du péché d'Adam et Ève. Et donc, pour être pardonné, il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. C'est quoi ce sacrifice-là? C'est la mort du Fils de Dieu, soi-disant Jésus. Puis son sang vient purifier l'humanité, soi-disant, de ce péché-là. Puis, oui, c'est pour ça qu'ils disent qu'il est mort pour nos péchés. Si tu ne crois pas en lui, tu n'es pas pardonné. Tu ne seras pas pardonné, tu as encore le péché originel sur toi. Tout ça, ça ne tient pas debout, ça n'a rien à voir avec la Bible non plus. Puisque dans la Bible, il y a plein de versets qui mentionnent que le Père ne pourra pas être puni pour le péché du Fils et le Fils ne pourra pas être puni pour le péché du Père. C'est contradictoire. Et puis, comment tu pourrais être puni pour le péché de ton Père alors que tu n'étais même pas là à ce moment-là? Hein? Comment tu pourrais hériter d'un péché de quelqu'un qui ne t'a même pas connu? Et en plus, non seulement ça, Dieu lui a pardonné en plus. Puisqu'Allah mentionne dans le Coran que lorsque Adam et Hawa ils ont mangé du fruit de l'arbre, Allah par la suite, hein, il leur a enseigné des paroles de repentance, puis ils se sont repentis. Donc, il n'y a plus de péché. Donc, on n'est pas né dans le péché. Hein? Mais ces gens-là, comme je te dis, c'est une aqida totalement batila, basée sur une philosophie, elle n'a rien à voir ni avec les enseignements de aucun des prophètes, ni avec la Bible, ni avec même la Torah et l'Injil qui est falsifiée aujourd'hui, qu'ils ont dans leurs propres mains, il n'y a rien qui supporte ces idées-là dedans. Hein? Donc, c'était tout basé sur de la philosophie. Donc, c'est pour ça que quand ils ont vu que les gens commençaient à étudier la philosophie, ça rajoutait plus de doutes dans leur foi et dans leur croyance, parce que déjà les gens ils connaissaient même pas leur Bible, leur propre, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, ils savent pas non plus, hein. Donc tout ça c'est des points importants, barakallahu fikoum, pour avoir mentionné ces exemples là, ça nous aide hein, justement à rajouter plus de clarification dans le sujet justement de Tawhid al-Rububiyya, parce que tout ça ça a rapport avec Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire de savoir et de croire et d'être convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, que c'est lui le seul maître et le seul créateur. D'accord? Aïna. Donc, il dit ensuite, donc, qui a créé, hein, qui a créé les choses qu'on voit, qui se reproduisent, et ainsi de suite? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est pas possible qu'on dise qu'elles se sont créées d'elles-mêmes. On peut pas dire que ces choses-là se sont créées d'elles-mêmes toutes seules. Il faut que ce soit, hein, quelqu'un qui les a créées. Et c'est pas possible non plus que ce soit une autre créature qui les a créées. Des fois, tu vas poser une question à un kafir. Qui t'a créé? C'est qui t'a créé? Tu demandes ça à un kafir. Un chrétien, un juif ou un athée. Tu dis, c'est qui t'a créé? Il va dire des fois parce qu'il veut pas être sérieux. Il comprend la question, mais il fait semblant qu'il comprend pas. Il dit, c'est ma mère. Tu vois? Alors qu'il sait très bien que c'est pas sa mère. Sa mère, la seule chose qu'elle a fait, hein, elle l'a portée, hein. Mais les gamètes qui ont été utilisées pour que son fœtus vienne à apparaître dans le ventre de sa mère, c'est pas sa mère qui l'a créé. Exact. Tu dis, est-ce que ta mère, elle a rentré ses doigts dans son ventre, puis commencé à coller les morceaux de d'os ensemble, un avec l'autre, et elle a pris de la chair, puis elle les a toutes placées bien, après elle a mis des yeux, puis le nez à la bonne place, hein? Non, elle ne peut pas faire ça, ni ton père, ni ta mère ne peuvent pas faire ça, hein? Et la même chose pour les plantes, Yanni. Tu dis, on a pris un arbre, on l'a déraciné, on l'a enlevé, on l'a planté une autre place. On n'a pas créé l'arbre. Hein? Pour ça, on voit l'arbre, il est là, on le met d'une place, on le met à l'autre. Ça, c'est facile. Mais la graine, est-ce que tu es capable de la créer, cette graine qui a fait que cet arbre-là, hein, pousse? Non. Donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, le verset 35 et 36 dans Sourate At-Tur. Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? Ou sont-ils, eux, les créateurs? C'est sûr qu'ils ne sont pas créés à partir de rien. Parce que c'est pas logique, c'est pas possible. Quelque chose ne peut pas apparaître comme ça. Hein? Même une graine. Même une semence, là, une graine. Pour faire pousser des légumes ou un fruit ou n'importe quoi, ça peut pas apparaître toute seule, hein? Un plat, n'importe quoi, une voiture, un stylo, une roche, un atome, ça peut pas apparaître toute seule. Il faut qu'il y ait quelque chose qui l'a créé, hein? Elle peut pas se créer elle-même non plus, parce que si elle n'existe pas, elle peut pas créer. Et l'être humain, est-ce que l'être humain est capable de créer d'autres êtres humains? Non. Même une mouche, l'être humain n'est pas capable de créer. Hein? Donc s'il ne peut pas créer une mouche, il peut encore moins créer un être humain. Hein? Et encore moins créer le ciel et la terre, et créer les étoiles et la lune. Donc ça, c'est certain que l'être humain ne peut pas faire ça. Et la création ne peut pas se créer elle-même, puisque si elle n'existe pas, elle ne peut pas créer ce qui existe. Hein? Logiquement. Donc ça, c'est de la pure logique, ça. N'importe quel de ces koufars athées, qui pseudo-scientifiques, qui veut essayer de débattre sur soi-disant la logique pour essayer de justifier qu'est-ce qu'il a comme athéisme, il peut pas prétendre que yani, quelque chose peut apparaître toute seule de lui-même. C'est pas possible. Ou bien tu vas te suicider ou faire quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Hein, tu vas mourir plus tard et souffrir pendant ce temps-là pour rien, puisque tu crois à rien, ou bien en finir tout de suite, hein, avec ta vie misérable, comme si tu prétends qu'il n'y a rien d'autre après. Et c'est comme, tu vois, il y a des gens qui vivent dans l'inconscience totale, l'alcool, la drogue, la débauche, l'hédonisme. Ils vivent que pour les plaisirs, que pour la dunya, le plaisir, tout ce qui est. Et même le plaisir, bon, des fois ils peuvent en avoir un peu, mais des fois non. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a des gens qui ont tout, toutes les richesses que tu peux imaginer, ils l'ont. Mais ils sont paralysés, ou ils ont une maladie, ou ils ont quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à en jouir comme ils voudraient. Hein? Et à un des koufars, justement, il était devenu riche dans le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a affligé d'une maladie, d'un incident qui lui est arrivé. Walaykum salam wa rahmatullah. Il a été paralysé, il ne pouvait plus bouger, et à partir du tronc jusqu'aux pieds, il sentait plus rien. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout cet argent que j'ai, et je ne peux même pas en jouir. Je ne peux rien faire avec. Hein? Donc, ça c'est pour ces gens-là, ça c'est la fin de tout. Ils préfèrent, même certains préfèrent mourir que de vivre comme ça, yani. Il y en a un comme ça, même une histoire vraie, un kafir en France, qui était très riche, il avait la célébrité, le succès et tout. Comme ça, du jour au lendemain, il conduisait sa voiture, il est devenu paralysé. Il ne pouvait plus bouger. La seule chose dans son corps qui pouvait bouger, c'est son œil, comme ça. Et sa paupière. Il ne pouvait rien bouger d'autre de son corps. Et puis, ce kafir, il a écrit un livre avec, juste en clignant ses yeux. Et ce livre-là, il a été publié, devenu un best-seller. Mais c'est pour dire, hein, que quelqu'un était devenu prisonnier dans son propre corps. Hein? Et donc, c'est pour dire, le kafir, si son existence c'est juste de vivre le plaisir de cette vie, qu'il n'y a rien d'autre après, alhamdoulilah, il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça ne sert à rien. Hein? Donc, comme le frère Mukhtar, il le dit, il n'assume pas son kufr jusqu'au bout. Il n'assume pas son kufr jusqu'au bout. Puisque s'il croyait vraiment en rien, qu'il n'y a rien après la mort, mais qu'est-ce qu'il a donc dans ce cas-là à se restreindre, à se limiter, à se contrôler, à obéir aux lois des hommes, hein, comme lui, qui ont inventé des lois. S'il croit qu'il n'y a rien d'autre après la mort que ça, pourquoi il va se limiter? Pourquoi il va se restreindre? Alors que plein d'autres, yani, se payent, hein, tous les luxes, toutes les richesses, tous les plaisirs de la vie. Et yani, lui, pendant ce temps-là, il se force à être un honnête citoyen, alors que les autres se payent toutes les choses de cette dunya dans le crime ou dans l'injustice. Donc c'est un exemple qui montre qu'il faut qu'il y ait une justice divine dans l'au-delà, et que Allah subhanahu wa ta'ala doit donner à chaque créature selon ce qu'il a fait dans cette vie, selon ce qu'il a eu comme aqida, comme croyance, et Allah subhanahu wa ta'ala va juger chaque être humain. Donc il n'y aura pas de gaspillage. Si quelqu'un a été bon, il a cru, il aura ce qu'il a fait comme effort, ce ne sera pas pour rien. Tandis que pour le kafir, ce sera pour rien. Hein? Il a fait tout ça pour rien. Est-ce que l'homme pense qu'on l'a créé comme ça, sans but, sans raison, sans obligation, sans interdiction, sans responsabilité, sans devoir? Donc ça, c'est un exemple de ça. Donc, est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes? Ou bien ce sont eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? Ou bien est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes? Est-ce que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre? Certes, ils ne sont pas certains. Hein? Mais ils ne sont pas certains. Et il y a l'histoire qui a été rapportée à ce sujet-là. Le hadith qui dit que lorsqu'il y a un prisonnier qui avait été attrapé par les musulmans l'ont pris en prisonnier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait la salat, récite la prière. Puis dans la salat, il a mentionné ce verset-là. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours du respect, il traitait toujours bien les prisonniers et il leur donnait toujours l'occasion et la possibilité d'apprendre l'islam et d'entendre le message de l'islam et d'entendre parler du tawhid. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le verset, il a dit quoi le verset? Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? Ou bien c'est eux les créateurs? Et il a dit, quand j'ai entendu ce verset-là, c'est pour la première fois j'ai senti la foi entrer dans mon cœur. J'ai eu l'impression que... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai eu l'impression que mon cœur voulait s'envoler comme un oiseau. Hein? Naam. Donc il a cru, il a cru en l'islam, à ce moment-là il s'est converti à l'islam. Et naam. Je ne me souviens plus le nom, mais naam. Naam. Le hadith est mentionné dans le charh de Cheikh Ibn Uthaymin, je crois. Naam, de l'usul al-thalatha. Donc ça c'est un exemple. Et donc le cheikh dit وهذه الاشياء ما اوجدت نفسها او اوجدها غيرها من المخلوقات ابدا. Donc ces choses-là ne sont pas créées elles-mêmes. Et elles n'ont pas été créées d'elles-mêmes et c'est pas une autre créature qui les a créées non plus. Parce que personne n'a créé un arbre, personne n'est capable de créer un moustique ou même une mouche. Personne n'est capable de créer ces choses-là. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de créer ces choses-là. Hein? Et le cheikh il dit, il mentionne le verset qui dit, إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne peuvent même pas créer une mouche. Même s'ils se réunissent entre eux pour essayer de le faire, ils ne sont pas capables. Donc personne ne peut créer, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Créer quelque chose qui est inerte, on ne peut pas. Créer quelque chose d'inerte, qui n'est pas vivant, on ne peut pas le créer. Hein. On ne peut pas créer des atomes, on ne peut pas créer des roches, si elles n'existent pas. Avec rien, on ne peut rien faire. Alors, encore moins créer quelque chose qui est vivant. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et donc c'est ça. Et après le cheikh il dit, donc il dit فهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل لأعرابي على البديهة بما عرفت ربك قال البعرة التي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير ألا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير إذا رأيت أثر قدم الإنسان أما يدلك على أن أحدا مشى على هذه الأرض وإذا رأيت بعر بعير ألا يدلك على أن هذه الأرض فيها إبل أو مر عليها بعير والبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. Donc le cheikh il explique et il mentionne que tout ce qui existe dans cette création c'est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la preuve de l'existence du créateur. Et ça c'est l'exemple le plus simple qu'on a demandé aux bédouins, et les bédouins c'est les gens les plus simples qui existent sur terre, c'est les gens les plus concrets, les plus terre à terre et les plus simples que tu peux imaginer. Ils ne sont pas compliqués. Walaykoum salam wa rahmatullah. Et ils n'aiment pas la philosophie. Ils n'aiment pas philosopher ces gens-là. Ils ne jouent pas, ils n'aiment pas philosopher. C'est simple. Hein? Donc, tu lui demandes comment tu as connu ton Seigneur. Il te dit les choses claires. Il a dit on a vu les traces d'un animal ou d'un être humain. On a su que il y a quelqu'un qui est passé par là. Donc, on a vu la création. On a su que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Hein? C'est logique et c'est simple. Donc si tu marches dans le désert, tu vois dans le désert des traces de pas, tu vas pas dire ben c'est apparu comme ça, des traces de pas toutes seules. Non, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est passé là. Donc si tu vois toute cette création autour de toi, tu regardes ce ciel, tu regardes ces étoiles, tu regardes ces nuages, tu regardes ces arbres autour de toi, tout ce qui existe, est-ce que c'est apparu toute seule? Non, tu vois qu'il y a un créateur qui a fait ça. Hein? C'est pas venu tout seul. Donc ça c'est les preuves de Ar-Rububiyya, les preuves de l'existence d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Wa qawluhu. Donc on est là, c'est presque l'heure, hein? Non, c'est l'heure. Tayyib, donc on est arrivé de toute façon à ce point-là où on allait s'arrêter de toute façon. Donc on continuera la suite bi'iznillah au prochain cours, inshallah. Et le prochain cours, ça sera là, ce sera pas la fin de semaine prochaine, ce sera la fin de semaine d'après. Oui, parce que je vais être absent pour la fin de semaine prochaine, je vais être absent, inshallah.